Merci beaucoup. Maintenant, nous nous tenons à votre disposition. Si vous avez des questions à poser, je vous demanderai simplement de vous présenter lorsque vous posez une question. Voilà, merci. Bonjour. Je voulais revenir sur les inégalités dont vous avez fait allusion quelquefois. Je voudrais parler principalement du cas Martignon. Du cas Martignon. La personne qui s'était présentée aux élections à Neuilly-sur-Seine et qui était adoubée par Mme Cécilia Sarkozy. À la suite d'un je ne sais trop quoi, M. Jean Sarkozy l'a éliminé d'être postulant au poste de maire et il a eu un parachute doré à Los Angeles. Apparemment, il aurait des émoluments de 15 à 20 000 euros par mois et ce serait, soi-disant, un emploi fictif qui considérait recevoir des vedettes d'Hollywood et qui coûte un pognon fou pour les contribuables. Quoi. Alors, je voudrais avoir votre avis, si vous avez un. Vous voulez que je réponde à chaque question ? On va peut-être en prendre plusieurs autrement. Voilà, peut-être pour c'est bon, la salle. Ok, bonjour André Gonidec. J'ai apprécié votre préambule parce que j'ai cru comprendre que vous remettez l'histoire à sa place et vous repassiez l'homme devant. Donc ça, c'est un satisfecit. Et ensuite, j'ai deux questions. La première, c'est pourquoi êtes-vous si peu nombreux, et j'allais dire tout seul, au poste où vous êtes, non pas sur l'estrade, mais dans la sphère intellectuelle française ? Et deuxièmement, comment faites-vous pour résister ? Vous avez abordé un peu le problème, mais au fond, vous devez subir un certain nombre de pression. Donc, au quotidien, ça doit être difficile à vivre, c'est long sûrement, on est de la même génération. Et j'avais préparé des questions en relisant Albert Camus et ses commentaires avec les journalistes. Donc, si vous pouvez nous dire un mot de Camus et de ce qu'il a été pour vous. Une dernière. Oui, monsieur Rodas, pharmacien à Plogastel. Ça fait 2 ans et demi, plus de 2 ans maintenant, que j'essaye de me bagarrer et d'arriver à faire passer le message sur la catastrophe sanitaire qui est en train de se produire pour les 5 ans à venir par rapport à la désertification médicale. Le problème, c'est que je n'arrive jamais à faire remonter mes lettres. J'ai pourtant écrit aussi bien au président de la République qu'à Bertrand, qu'au Conseil général, enfin tout le monde. Aucune réponse. Et au niveau du journaliste que j'avais contacté, on s'était mis d'accord. Normalement, il ne devait pas y avoir de problème. Et je pense que mon courrier, qui est quand même passé dans la presse, mais qui a été largement édulcoré, parce que dedans, il y a effectivement des propos qui fâchent par rapport à nos chers confrères, les médecins. Et comme par hasard, ça n'a pas atterri comme il fallait. Donc le problème, c'est comment faire passer une information. Parce que ce n'est pas une critique, c'est une information. C'est la disparition dans 5 ans d'à peu près 5 000 pharmacies en France. Parce qu'il y aura 40% des médecins qui ne seront pas remplacés. Et tous les bourgs en milieu ruraux, je peux vous dire que ça va être la galère. Et je prédis une catastrophe sanitaire sûrement plus forte que celle du Mediator. Hein. Parce qu'avec le nombre de personnes âgées qu'on a en maintien à domicile, le nombre et l'âge, le manque de place en hébergement, je peux vous dire que ça va être quelque chose d'effrayant. Mais on n'arrive pas à faire passer l'information parce que je pense que c'est une patate qui est trop chaude et que personne ne veut saisir. Je vais répondre déjà à ces premières questions. Je vais commencer par celle-là tout de suite. Alors, je ne sais pas quel est le, en fonction des communes, niveau d'équipement pour ce qui est de l'accès au numérique. Mais il y a une façon de faire passer l'information, monsieur. Et c'est là où il faut faire le saut des potentialités de cette révolution démocratique que peut être la révolution numérique. Vous avez entièrement raison sur le fond et sur l'alerte par rapport l'état du dispositif sanitaire et de la couverture sanitaire du pays. Avant, comme vous le dites, il fallait qu'un journaliste s'empare de la cause. Il fallait sensibiliser un journaliste. Y compris pour un élu, pour un militant, pour quelqu'un qui défend une conviction, il fallait qu'un journaliste l'interviewe, publie sa tribune, fasse son portrait, donne accès par son intermédiaire, par sa médiation, aux propos, à la conviction, à la lutte de la personne, au combat, à la cause de la personne. Aujourd'hui, si les journalistes ne veulent pas entendre, ben vous pouvez les contourner. Vous pouvez sonner l'alarme autrement. C'est ce qu'on a vu, petite parenthèse, au moment du, quelles que soient nos sensibilités aux uns et aux autres, au moment du traité constitutionnel européen en 2005. Le discours médiatique disait « il faut voter oui ». Les grands médias classiques disaient « il faut voter oui ». On a vu, c'était le début des blogs, etc. On a vu sur la toile, comme on dit, le non avoir sa dynamique, indépendamment des structures traditionnelles. Et on a même vu ce professeur d'IUT d'Aix créer son propre site et se retrouver, après la victoire du non, au journal télévisé. C'était tout d'un coup lui, la vedette. Aujourd'hui, et c'est ça la nouveauté, Mediapart s'appelle Mediapart parce que média participatif. Mediapart, il y a un journal où on fait, dans la mesure de nos moyens, on essaye de ne pas répéter le flux. Ça, le flux, il y a le lien, hein, hypertexte, qui permet de donner les nouvelles qu'il y a partout. Donc on essaye d'apporter notre propre information sur des nœuds essentiels de l'actualité politique, qu'elle soit d'information générale, qu'elle soit nationale ou internationale. Mais à côté, il y a un club. Tout abonné de Mediapart peut contribuer. Tout abonné de Mediapart peut publier son blog, son appel, sa pétition, sa réflexion, sa mise en garde, sa critique de Mediapart si Mediapart n'a pas traité tel sujet. C'est un écosystème formidable qui crée de la confiance et qui nous-mêmes nous rend meilleurs parce que nous-mêmes nous fait bouger, nous fait réfléchir. Et donc j'insiste, je dis ça, beaucoup de personnes que je connais et que j'estime se tournent comme quand j'ai été 25 ans au Monde et on se dit, ben voilà, il faut s'adresser à la personne qui est responsable et ça va donner quelque chose. Oui, mais aujourd'hui, il y a une manière beaucoup plus directe de faire et qui est essentielle et qui est importante en termes de dynamique de la société, en termes de réappropriation. Et cela rejoint des grands moments de création républicaine. Vous savez, sous la Révolution française, il y avait ce qu'on appelle les nouvelles à la main. C'est-à-dire, il y avait ceux qui pouvaient avoir... Il y a eu un bouillonnement, il y a eu l'explosion de la culture du journal, de la lecture. Mais en plus de ces presses imprimées, il y avait ces presses recopiées et qui se circulaient, où il y avait le pire, la reine scélérate, les rumeurs sur Marie-Antoinette, mais le meilleur, les débats, les inventions juridiques, démocratiques, politiques, etc. Et donc, il faut s'emparer de ça. Il faut s'emparer de ça. Nous, on fait un journal numérique qui lance aussi des appels, qui parfois les lance avec les lecteurs de Mediapart, dans la dynamique des lecteurs de Mediapart, en participation avec les lecteurs de Mediapart. Les combats écologiques ont été importants ici, y compris sur certaines centrales nucléaires, mais il y a ce film qui sort tous au Larzac, qui rappelle ce moment d'une lutte très particulière, qui n'était pas hiérarchique, qui cherchait à créer du consensus, qui n'était pas cette idée du vote 50-51 contre 49, où il y en a forcément 49 qui ne sont pas contents, qui essayaient de créer une autre vitalité de ce mouvement social. Eh bien, on est partenaire de ce film, on fait des débats autour, etc. Donc, ça n'enlève rien au fait qu'un journaliste doit s'intéresser à ça. Mais je dis juste que vous n'êtes plus dans la même impuissance qu'avant. Et il faut vous emparer de journaux qui permettent ça. En l'occurrence, et c'est mon deuxième point, qu'est-ce que nous avons voulu faire avec Mediapart? On a voulu faire un laboratoire, comme on dit un laboratoire de recherche. Autre clin d'œil à Bernard Payard et aux chercheurs. Ou un atelier de création, comme on pourrait dire, pour des artisans. On a voulu faire un lieu où, au fond, on est dans le numérique et dans le numérique, on prend tous les prints. On essaye de montrer que le numérique, Internet, permet de faire mieux encore notre métier tel qu'on l'imaginait, que nous ne faisions sur une presse imprimée. Il permet de mieux respecter le contradictoire, de mieux apporter la documentation, de mieux expliquer. Je vous prends un exemple. Aujourd'hui, il y a les indignés un peu partout dans le monde. Bah, depuis deux jours, sur Mediapart, il y a une page où vous pouvez suivre en live les indignés de New York à la Défense. Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils font? Oui, leurs projets, les articles, les tribunes, etc. C'est-à-dire qu'on rassemble, tout en donnant notre propre expertise, on rassemble différents éléments. Donc il y a une dimension documentaire, une dimension vraiment d'approfondissement exceptionnel, et qui, en plus, se fait sous le regard d'un public qui peut commenter, qui peut discuter, qui peut prolonger, qui peut critiquer, qui peut rectifier, et qui peut alerter et dire « Attendez, mais vous avez oublié telle histoire et tel sujet ». Et donc Mediapart, c'est cela. Alors pourquoi on est en apparence peu nombreux ? Parce qu'il y a cette immense crise dont je parle tout à l'heure, qui est certes objective, la presse que j'appelle, ce n'est pas péjoratif, la vieille presse au sens de son modèle traditionnel, d'une presse imprimée, qui a donc fermé, qui a un début, une fin, qui a eu un système économique et commercial qui est daté, qui, y a du papier, il y a une impression, il y a une distribution. Ces trois coûts sont supprimés par la révolution numérique. Ces trois coûts. Le papier, l'impression et la distribution. C'est pour ça que l'avenir est forcément pour elle. L'avenir est forcément, quand vous avez une invention technologique qui, par rapport à un univers précédent, quand vous achetez un journal, c'est d'abord ces trois coûts que vous payez. Donc, c'est forcément devant nous. Vous aurez un jour, ici, une presse locale, numérique, participative. Il n'y a pas de problème de place, de longueur, où vous aurez les petites annonces locales, où vous aurez les nouvelles, où vous aurez la vidéo du conseil municipal avec le compte-rendu de mandat du maire, où vous aurez tout ça. Et vous aurez cela demain, après-demain. Simplement, on est dans ce moment de crise de cet existant qui a sa propre économie, qui a ses propres difficultés et qui, dans notre cas en France, a un problème de dynamisme démocratique. En clair, le Télégramme est dynamique par la concurrence avec Ouest France. Mais vous savez que vous êtes la seule région où il y a une concurrence. En général, c'est le monopole, partout ailleurs dans la presse régionale. C'est un monopole. C'est-à-dire c'est un monopole sans pluralisme, y compris monopole dans les comptes rendus, dans le fait que quelque chose perce. J'étais à Bordeaux pour un débat Internet Avenir de la démocratie, organisé par la députée du centre de Bordeaux, celle qui a fait chuter le maire de Bordeaux, M. Juppé, aux législatives. Dans la salle principale de la ville, débat où il y avait des gens d'horizons très différents. Mais comme c'était l'opposante de M. Juppé, il n'y a rien eu dans Sud-Ouest, alors qu'un journaliste de Sud-Ouest était là. Et alors qu'il y avait 350 personnes, comme ce soir, là, il y avait du monde. C'était l'événement local, mais ça n'a pas existé. Ça existait sur Twitter, sur Facebook, sur tout ça, mais ça n'a pas existé. Et donc, nous ne sommes pas peu nombreux. Je pense que le confrère de Sud-Ouest qui était là, il pense comme moi. Je pense qu'il y a des journalistes formidables dans tous ces médias-là, et qui pensent et qui se disent « Mediapart, ça nous aide, c'est un levier, tiens, ils y arrivent. Ils arrivent même à créer de la valeur avec un journal qui est presque intégriste au sens de son modèle, pas de publicité, et nous ne vivons que des abonnements de nos lecteurs. » Que de nos abonnements. C'est comme ça que nous construisons notre indépendance. Que de l'abonnement. Et donc, voilà la clé. C'est-à-dire que nous sommes... Comment dire? Moi, j'ai envie de vous dire, il faut redonner du courage aux journalistes. Vous avez un regard sévère, critique sur nos systèmes médiatiques. Je l'ai aussi. Mais le problème, c'est de se dire, il y a l'apparence, mais il y a les journalistes qui sont le dos au mur, entre un plan social, entre un patron totalement extérieur à leur métier, entre ce sentiment de moins grande fierté. Donc il faut leur redonner du courage. Et comment leur redonner du courage? En disant que ce métier est au cœur d'un enjeu démocratique. Je crois qu'en profondeur, la profession croit ce que je dis là. Vous savez, la charte des journalistes, à laquelle nous nous référons déontologiquement, qui est la charte de 1971, qui est dite charte de Munich, des syndicats de journalistes européens, dit que la première loyauté que nous devons avoir, c'est envers le public. Et que cette loyauté passe avant la loyauté envers nos employeurs et les pouvoirs publics. C'est écrit noir sur blanc que la légitimité, c'est la relation au public. Donc, moi, je ne fais que dire ce que j'aurais dit en 1975. Je ne fais que dire ce qu'ont dit le fondateur du Monde, ce qu'ont dit les idéaux de ceux qui ont voulu créer vraiment cette presse indépendante. Simplement, on est dans ce moment de crise. On est dans ce moment de transition. Alors, dans un moment de transition, comment on fait ? C'est là où Camus, et je suis très content que vous m'incitiez à y revenir, nous aide. Vous savez, Camus a été journaliste, formidable journaliste à Combat, avant que Combat soit pris par une sorte de marchand de nouvelles, qui au passage, mais c'est vraiment non, mais non, je vais faire une méchanceté inutile. Je vais faire une méchanceté parce qu'il ne faut pas attaquer sur les généalogies. Je vous dis, il y a plein de généalogistes. Là. Bon, donc voilà. J'ai envie de la faire, mais je ne la ferai pas. Non, je dis parce qu'il se trouve, mais c'est parfois ces petits hasards, mais c'est bon pour les romanciers. Hein, je veux dire, les romanciers, Balzac en aurait fait quelque chose. Donc on ne va pas dire que c'est une information, on va dire que c'est un clin d'œil romanesque. Le monsieur qui s'appelait Smadja, qui a repris et chassé Camus de Combat, c'est le papa de Madame Balkany. Voilà, qui a commencé comme journaliste. Voilà, mais voilà, donc c'est comme ça que parfois les décadences de la République et de la presse peuvent avoir lieu. Qu'est-ce que je voulais dire sur Camus ? Camus, pendant le temps où il dirige Combat, et notamment dans les premières semaines de Combat, Combat était issu de la résistance, du réseau qui s'appelait Combat, toute la France n'était pas encore libérée, c'était août 44. Et le 31 août 44, il signe un éditorial formidable sur la Nouvelle Presse. Il faut bien voir qu'ils ont vu une presse s'effondrer, ce que je disais de Marc Bloch, et dans la vénalité, la corruption, l'absence de principe et tout. Et donc, ils ont cette idée qu'il faut libérer la presse de cette dépendance des logiques purement marchandes, de ce pouvoir extérieur, de l'argent, qu'il faut la relever. Et il a une formule exceptionnelle qui est pour moi comme un sentier qu'il faut prendre, qu'il indique. Il dit « Notre désir d'autant plus fort qu'il était muet », il parle des temps de clandestinité, de ruse, de ces réseaux de journalistes résistants, notre désir, d'autant plus fort qu'il était muet, était d'élever ce pays en élevant son langage. Élever ce pays en élevant son langage. Et ça dit bien que la relation journaliste, démocratie, circulation de l'information, vérité de fait, tout ce que je vous ai dit, c'est une conversation démocratique. Et la conversation démocratique, c'est celle qui fait lien, qui permet d'installer une relation, d'installer une liaison, d'installer un échange, d'installer un partage. Vous aurez compris que c'est tout le contraire en termes de pédagogie par la parole du « casse-toi, pauvre con ». Ce qui m'amène à l'autre question de monsieur sur les... Je ne connais pas... Je vais regarder monsieur Mariton et le consulat de France à Los Angeles. Mais je vais vous dire plus généralement, si c'était le seul cas. Ce que je vous ai dit avec ce mot « oligarchie », qui est cette idée, qui est une vieille idée dans le débat, sur la, parce que ça peut être une apparence de démocratie, mais une démocratie dont nous sommes dépossédés. Hein, il y a le vote par période récurrente, mais nous sommes dépossédés. On nous raconte des fictions politiques, c'est pour ça que ce qu'on appelle la vérification des faits, y compris dans le discours politique, devient de plus en plus important. Vérifier ce qu'ils ont dit. Vérifier si c'est vrai ce qu'ils disent, hein, les chiffres, etc. Donc on nous fait la fiction, on nous fait ce spectacle, et dans ce spectacle, on nous dépossède et on fait que d'autres sachent à notre place. Et en effet, à l'abri de cela, se crée toute une clientèle qui doit ses postes, et dans notre cas en France, qui le doit d'autant plus qu'il y a ce pouvoir présidentialiste. Vous connaissez mon ancienne, j'ai écrit un livre qui s'appelle « Le président de trop », sous-titré « Vertu dans l'anti-sarkozisme, vice du présidentialisme », qui n'est pas une critique du président, l'actuel en tant que tel, mais qui est une critique de ce que nous avons laissé faire, et de ce président comme un symptôme. Le présidentialisme, ce n'est pas le fait qu'il y ait un président de la République, ce n'est pas le fait qu'il y ait un régime présidentiel. Le présidentialisme est au régime présidentiel ce que l'intégrisme est à la religion, ce que l'absolutisme est à la monarchie. Ce que l'aveuglement idéologique est aux convictions. C'est une concentration, et un jour, dans le plus tôt sera le mieux, on se pincera. Dire, mais comment est-ce possible qu'une démocratie adulte, 66 millions d'habitants, plutôt développée, plutôt cultivée, éduquée, ait pu se dire que sa vie politique dépend du choix d'un homme, et non pas d'autres processus autrement complexes, de délibération, d'équilibre du pouvoir, de contre-pouvoir, de règles qui s'imposent à cet homme, parce que le fauteuil qu'il occupe n'est pas le sien, c'est le nôtre. C'est pour ça que son langage est important, il parle en notre nom. Et donc, toutes ces questions-là sont des questions essentielles, et on ne peut pas réduire ce débat-là au choix de quelqu'un qui donne quoi ? Qui donne cette presse people, cette presse qui soupèse, hein, le coup de blouse de l'un, le trou des sondages, une démocratie ventriloque, c'est les sondages qui parlent à notre place. Bon. Et donc, toutes ces questions-là sont des questions essentielles parce qu'elles, à l'abri de ce système présidentialiste, et ce n'a pas commencé qu'avec ce président-là, ni qu'avec une majorité de droite, nous l'avons vu, hélas, sous la longue présidence de François Mitterrand, les 14 ans. C'est pour ça que je parle fort sous cette présidence. Je suis, comme citoyen, on va pas se cacher, chacun le sait, plutôt de gauche. Mais je pense, comme je vous l'ai dit, qu'un journaliste doit être capable de publier des informations qui le bousculent lui-même, qui dérangent sa sensibilité, qui l'oblige à réfléchir, qui l'oblige à penser contre lui-même. Or, chacun sait, et ça ne m'a pas valu que des amitiés, que sous la présidence de François Mitterrand, j'ai été un peu l'apporteur de mauvaises nouvelles, qui aujourd'hui sont admises par nombre de socialistes comme une réalité avec laquelle ils leur font compter, comme une alerte du passé. Et qu'est-ce qui s'est installé à ce moment-là dans cette concentration présidentialiste, où François Mitterrand, d'une certaine manière, du meilleur procureur de la Ve République, est devenu son meilleur avocat. La prise comme son bouclier, quelque part, comme son exilier de vie, élixir de vie, hein, dans sa bataille contre le cancer, contre la maladie, contre la mort, contre la finitude. Et donc, 14 ans de présidence. Et du coup, on a vu s'installer un système qui est aujourd'hui à la puissance 10, où en fait, on doit sa carrière à cette relation à un homme. Et au bout d'un moment, c'est sa carrière, on le dit, au niveau des convictions, au niveau de l'expertise, du talent, de la capacité de faire. Mais au bout d'un moment, la carrière se confond avec les émoluments, se confond avec l'argent. Je vais vous donner un exemple. La nouvelle majorité de gauche du Sénat nous en a donné acte, puisqu'elle a mis fin aux poursuites décidées par le président du Sénat contre les sources de Mediapart. Je rappelle que les syndicalistes du Sénat ont été mis en audition à la police, que leurs bureaux et leurs ordinateurs ont été fouillés pour savoir si c'était eux qui étaient nos sources. Qu'est-ce que nous avons fait ? Et c'est, je prends cet exemple du Sénat. Ben, nous avons fait une enquête où nous avons montré que le Sénat était totalement opaque, que son budget n'était pas regardé par la Cour des comptes, et que 40 sénateurs qui occupaient de manière, sur des durées de 3 ans et de 6 ans, des postes clés du Sénat, questeurs et d'autres, avaient pendant cette période-là, et de manière opaque, y compris par rapport à leurs collègues, un complément de rémunération de sénateurs, d'indemnité de sénateurs, qui pouvait aller de 1 700 à 5 000 euros par mois. Mais non seulement ils avaient ce complément, mais nous avons découvert que tout le monde s'y était habitué, toute condense politique confondue, mais que sur cet émolument, pour des mandats qui durait 6 ans au maximum, dans des fonctions, pas des mandats, des fonctions au Sénat, eh bien, ça leur donnait droit à un complément de retraite. Lequel complément de retraite ? Et on a trouvé un cas d'un sénateur, et c'est là où on voit que, quand je dis c'est corrupteur, parce que ça n'a plus d'étiquette politique, et ça explique les gens qui changent de famille politique comme on change de trottoir, sans explication. On a trouvé un sénateur vieux fidèle de François Mitterrand, socialiste, qui n'est plus membre de ce parti, nommé par Nicolas Sarkozy ou au Conseil constitutionnel, Michel Charras, ancien de ces hauts sénateurs, qui, au Conseil constitutionnel, en dehors déjà de ses retraites des autres métiers qu'il a eus et des autres mandats qu'il a eus, en dehors des 13 000 ou 12 000, je ne sais pas, c'est l'un c'est 13 000, l'autre c'est 12 000, en dehors, disons, des 13 000 euros qu'il touche par mois comme membre du Conseil constitutionnel, touche 12 000 euros de complément de pension par mois au nom du Sénat par rapport à cette fonction qu'il a eue. On a publié ça. Vous vous rendez compte, par temps de crise, c'est ça la réalité. Comment s'étonner qu'il y ait une partie de notre peuple qui veuille s'abstenir ou qui vote pour tout renverser et qui se disent, mais si la République, c'est ça, elle est pourrie, la République, comment, etc. Comment ne pas se dire, élever ce pays en élevant son langage, c'est rélever la République. Dire, mais on ne peut pas accepter ça. Quand on sait que la moitié, vous le savez tous, des ménages dans notre pays gagnent en revenus moins de 1500 euros par mois. Moins de 1500 euros par mois, c'est ça la réalité sociale de notre pays. 12 000 euros qui se rajoutent à 13 000 et tout le reste par mois. Pour une fonction publique, où on est. Bon. Et donc, je vais regarder le consulat de Los Angeles, mais hélas, il n'y a pas que ça. Et donc, j'en termine juste, monsieur me disait, vous faites pour résister. Non, il n'y a pas... J'ai dit Mediapart, on a fait un lieu de liberté. Moi, j'ai été, comme vous savez, pendant 25 ans dans une grosse machine. Dans cette grosse machine, j'ai perdu une bataille, pas seul, comme il en fut perdu une autre à Libération quelques temps après. En clair, ce journal était un journal de journalistes. On avait des divergences, on avait des débats, on avait des insuffisances. Parfois, on a été présomptueux. Parfois, on a peut-être regardé nos lecteurs d'en haut, etc. Mais au moins, nous étions un journal de journalistes. J'ai perdu cette bataille, puisque j'ai annoncé, quand j'ai quitté Le Monde, qu'en me battant après avoir démissionné, j'ai défendu une orientation en disant « si vous suivez l'orientation qui vous est proposée, Le Monde sera vendu ». C'est ce qui s'est passé. Il est vendu aujourd'hui à un trio d'industriels, de banquiers, qui sont, quel que soit, c'est pour ça que tout ça me nave, c'est pas une question d'étiquette politique, ceux-là vont plutôt soutenir la gauche, mais bon, voilà, il y a un banquier qui est de la banque Lazare, qui est la banque imposée par le FMI comme banque conseil du gouvernement grec, lequel actionnaire du Monde vient de rentrer depuis lundi chez M. Murdoch, au conseil de Biscaybi, c'est-à-dire chez quand même la presse la pire, hein, qui a fait des choses assez crapuleuses. Donc c'est pour ça que c'est un monde, en clair, qu'est-ce que je veux dire ? C'est un monde où l'intérêt devient la seule logique. Où il n'y a plus. Alors, il y a des idées interchangeables, selon les moments, selon l'époque, selon l'opportunité. Mais derrière ça, il n'y a plus qu'une seule logique, c'est l'intérêt. Alors, il faut retrouver une logique d'idéal. Il faut retrouver une logique d'idéal. Donc, moi, je n'ai aucun mérite, je défends cela, parce que je pense que, voilà, je suis tombé dedans comme Obélix. C'est-à-dire que c'est pour moi, c'est la réalité de ce que nous devons faire. Je pense qu'un journaliste qui défend cette philosophie du métier doit avoir une morale de boxeur, c'est-à-dire accepter, vous savez, on apprend d'abord à un boxeur à encaisser, pas à donner des coups, pas à massacrer son adversaire, à d'abord savoir encaisser, avoir un bon jeu de jambes, donc il faut d'abord savoir encaisser et pas se plaindre. Mais cette question des idéaux me tient à cœur. Le 2 décembre prochain, vendredi, qui est le 4e anniversaire où on a lancé le projet Mediapart, pour ceux qui ne connaissent pas, profitez-en, puisque pendant 24 heures, Mediapart sera en accès libre. Sera gratuit. Hein. Il n'y aura pas besoin d'être abonné pour lire tout Mediapart et découvrir Mediapart. Et ce sera, on a inventé ce qu'on appelle des portes ouvertes numériques. Il y aura des discussions en live avec la rédaction, il y aura le moyen de nous poser des questions, il y aura une table ronde sur l'investigation, une sur la présidentielle, une autre sur l'international, une autre sur la presse aujourd'hui, etc. Et voilà, pendant 24 heures, de 0 heure à minuit, le vendredi 2 décembre prochain. Et bon, voilà, il y aura quelques autres surprises, si vous faites l'amabilité d'aller voir, vous verrez, pour ceux qui ne connaissent pas, que c'est la bonne occasion. Le 2 décembre, on avait choisi cette date, et les Républicains, ceux qui ont une mémoire républicaine, vous l'êtes tous, mais s'en souviennent, le 2 décembre n'est une date pas du tout indifférente pour les Républicains, c'est le 2 décembre 1851, c'est le coup d'État de Louis-Napoléon Bonaparte. Le césarisme, bonapartisme, présidentialisme français commence à s'installer dans notre culture politique par ses moyens un peu brutaux. Hein. C'est le coup d'État de celui que Victor Hugo va appeler Napoléon le Petit. Pourquoi je vous parle des idéaux ? C'est que le 2 décembre, on va lancer un appel avec des historiens pour l'appel pour Bodin. C'est une histoire qui me plaît bien et qu'un chercheur a récemment réexhumée. Vous savez, la République, c'était un idéal qui a mis du temps à s'installer, un siècle. Le 3 décembre 1851, il y a une barricade, la dernière barricade qui reste. Elle est du côté du faubourg Saint-Antoine, vers la Bastille. Et il y a un député qui est là avec son écharpe tricolore, il a 40 ans. Mais les députés ne sont plus populaires chez les ouvriers. Hein, ils ont laissé passer trop de choses, ils ont laissé des répressions, ils ont laissé etc. Donc les ouvriers sont les bras croisés et disent « Ah, les 25 francs hein, !» Voilà, vous touchez 25 francs. Et piqué au vif, ce député, Alphonse Baudin, dit « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. » Il monte sur la barricade, paf, il est tué. Victor Schœlcher, l'homme de l'abolition de l'esclavage, est à quelques mètres, voit la scène, va la raconter à Victor Hugo. Et cette scène va devenir la scène symbolique. Cet homme Baudin sera rendu célèbre par la dernière phrase qu'il a prononcée avant de mourir. « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs. » C'était une mort totalement inutile. Elle ne servait à rien et n'empêchait pas, etc. Comment la lumière, la petite lumière républicaine va renaître à la fin de l'Empire, du Second Empire ? Charles de Lescluze, autre journaliste, qui crée un journal, il va lui aussi mourir sur une barricade sous la Commune de Paris, crée un journal qui s'appelle Le Réveil. Et il se dit, pareil, la presse interactive, déjà, il lance un appel à ses lecteurs, l'appel pour le monument à Baudin. Et ça va être l'occasion de banquets républicains. Il faut un monument à Baudin. On n'avait pas le droit de faire des partis politiques. Donc on fait un monument à Baudin. Baudin est depuis au Panthéon. Une statue va lui être dressée, le monument, au carrefour où il est mort, en 1901. Cette statue a été fondue par Vichy à la demande des autorités allemandes. Et elle n'a jamais été reconstruite. Donc nous allons lancer l'appel au monument à Baudin, parce que Baudin, il symbolise quoi ? Il est mort pour des idées. Alors je ne souhaite pas du tout mourir, et nous ne souhaitons pas mourir, mais je pense qu'il faut se dire que les idées, c'est plus important que les intérêts. Et que c'est elles qui vont nous permettre de répondre à des intérêts légitimes. Il y a des intérêts sociaux, des intérêts matériels, concrets, bien sûr. Mais qu'il y a ce levier des idées, de ne pas être dans l'impossibilité, dans cette impuissance. Et on le voit bien quand on lit sur les questions économiques. Lisez le manifeste des économistes atterrés, sorti il y a un an. Tout est écrit sur cette crise qui n'a aucune fatalité, qui est liée à la façon dont on a répondu dès 2008. Il l'explique très bien. Tout ce dont on débat aujourd'hui était dans ce manifeste. Les économistes atterrés, ils ne sont pas tous d'accord sur les solutions. Mais sur qu'est-ce qui n'a pas été fait et comment, il l'explique très très bien. Et l'imposture du discours économique dominant. Petit livre, formidable. Et donc, Baudin, ça me tient à cœur parce que tout bêtement, les locaux de Mediapart sont juste à côté.